Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. En 2017, quelques mois avant la 10e élection présidentielle au suffrage universel, la Fabrique de l'Histoire s'intéressait à la relation des présidents de la 5e République avec les livres et la littérature dans une série d'émissions intitulée « Dans la bibliothèque des présidents ». Dans la deuxième d'entre elles, les auditeurs de France Culture étaient transportés à Colombey-les-Deux-Églises, à La Boisserie, pour une visite de la bibliothèque de Charles de Gaulle, avec pour guide Yves de Gaulle, petit-fils du général. Chacun sait l'écrivain que fut aussi de Gaulle, l'étendue de sa culture historique et littéraire, en son temps déjà commune à peu d'hommes d'État. Deuxième temps d'une série de la Fabrique de l'Histoire sur les bibliothèques des présidents de la République. Aujourd'hui, la bibliothèque de Charles de Gaulle à La Boisserie. Après avoir réfléchi hier à la culture littéraire des présidents de la République au 19e et au 20e siècle, et avant demain de nous intéresser à Georges Pompidou et à son amour de la poésie, et après-demain à François Mitterrand, partons ce matin pour Colombey-les-Deux-Églises, où nous allons visiter la bibliothèque assemblée tout au long de sa vie par le général de Gaulle à La Boisserie. Une visite que nous accomplissons en compagnie du petit-fils du général de Gaulle, Yves de Gaulle, qui a rassemblé l'an dernier dans un ouvrage le souvenir de ses discussions autour des livres avec son grand-père. De Gaulle, bonjour. Bonjour. Nous nous trouvons avec vous dans la petite cour qui précède le bâtiment de la Boisserie, donc ce bâtiment qui a été le lieu de villégiature, de réflexion, de travail aussi de votre grand-père Charles de Gaulle, et dont nous allons visiter avec vous la bibliothèque. Vous avez publié l'année dernière un livre chez Plon, l'éditeur historique de votre grand-père, un autre regard sur mon grand-père Charles de Gaulle, où vous évoquez en particulier, et c'est ce qui nous a intéressé, toute la formation intellectuelle, toutes les discussions que vous aviez avec votre grand-père et qui se passaient ici à La Boisserie. Qui se passait ici à La Boisserie, principalement, mais pas que, hein, également à l'Élysée, quand nous allions déjeuner chez eux assez régulièrement. Oui, pourquoi ? Parce que, au fond, j'ai surtout connu mon grand-père grâce aux livres. La politique, ça ne m'intéressait pas beaucoup à l'époque. Je savais que ça existait, je n'entendais d'ailleurs parler que de ça. Et ça traversait le fond de mon existence, mais comme un bruit de fond. Moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt la pensée. Et j'ai abordé mon grand-père à travers les livres, en utilisant la bibliothèque, j'allais dire qui était la nôtre, c'était la sienne. Je me l'étais un tout petit peu approprié. Et c'est grâce à ces livres-là, c'est grâce aux livres que j'ai appris, moi, à devenir gaulliste à ma manière. Et à connaître un petit peu mieux, on n'est jamais complètement dans la tête les uns des autres, hein, mais à connaître un petit peu mieux ce personnage hors norme qui était Charles de Gaulle. Alors, cette bâtisse, il faut la décrire, c'est une bâtisse de calcaire blanc, donc sur lesquelles nous sommes en plein hiver et le soleil pâle nous éclaire, mais il y a de la vigne vierge qui pousse. À la droite de la bâtisse, on trouve beaucoup d'arbres, on entend pépier les oiseaux ces temps-ci. Et cette petite, ce petit surcroît du bâtiment, c'était là où vous dormiez, en l'occurrence Yves de Gaulle, lorsque vous étiez à la boisserie. Effectivement, lorsque nous venions en vacances, mon frère et moi, nous dormions dans la pièce qui est dans le petit retour du bâtiment, au premier étage, à gauche. C'est d'ailleurs de cet endroit que, petit souvenir, que j'ai eu l'occasion de voir arriver un jour du mois de septembre 1958, Konrad Adenauer, avec sa toute petite escorte, lorsqu'il est venu rendre visite au général de Gaulle pour commencer un mouvement historique assez novateur à l'époque, qui a été le rapprochement franco-allemand. Rapprochement franco-allemand qui a connu des vicissitudes, mais ça c'est un autre sujet. Mais en tout cas, c'est à ce moment-là que ça s'est passé, et c'est de ce petit endroit-là que j'ai observé de loin et à mon niveau la mise en place d'un événement historique. Alors on va d'ailleurs pénétrer dans ce bâtiment de la Boisserie à Colombey-les-Deux-Églises avec vous, Yves de Gaulle, pour pouvoir mieux comprendre effectivement comment un homme politique forge son savoir et également sa vision du monde à partir des livres qu'il lit. Alors nous pénétrons dans un petit vestibule orné d'un escalier qui monte au premier étage. Et ce petit vestibule est plein de souvenirs, dont certains sont des souvenirs d'Afrique, c'est cela ? Plutôt amérindiens que d'Afrique. Ah. Il y a des masques africains, mais ce sont surtout des souvenirs amérindiens. Ce sont des objets qui lui ont été offerts au fond pendant sa traversée du désert et qui sont exposés ici. Vous avez au fond la porte qui conduit au soubassement de l'escalier où se trouvait juste à droite le seul téléphone de la maison. Voilà, c'est l'endroit où mon grand-père apparaissait en descendant l'escalier et où il partait sur notre droite en direction de son bureau. Et c'est vrai que, d'une certaine façon, la première chose qui frappe, c'est la modestie de ce bâtiment. C'est une petite bâtisse qu'il avait acquise dans les années 30, c'est cela ? Achetée en viager en 1934, pour être précis. D'abord parce qu'il voulait un endroit calme et reculé pour que ma tante Anne, qui était trisomique, puisse vivre des jours paisibles, ce qui n'était plus compliqué à Paris. Et deuxièmement parce que lorsqu'on est militaire, il fallait ne pas être trop loin des endroits de garnison parce qu'il pouvait encore arriver des choses. Oui, donc nous étions en 1934, effectivement, et la menace venait plutôt du côté de l'Est de la France, la menace potentielle. L'époque était à l'Est, absolument, oui. Alors nous allons pénétrer donc à droite, traverser donc une pièce qui est un salon. Oui, ici c'était un salon. Il est resté dans son jus, hein, il n'a pas été modifié. Il y a juste c'est une pièce qu'on n'utilisait jamais, absolument jamais. C'était juste une pièce de passage. Vous avez dans la vitrine, là-bas, une Pietà en bois qui a été offerte par Konrad Adenauer à mon grand-père à cette occasion. Alors, et nous l'avons conservée ici un petit peu pour symboliser dans l'endroit que Konrad Adenauer a bien voulu connaître le début de ce qui allait être un événement significatif. Alors pour la Ve République. C'est un décor bourgeois, pourrait-on dire classique, pourrait-on dire de la France classique, bourgeoise, avec des tableaux anciens comme celui d'Anvers qui a été offert par le prince Charles de Belgique, des médaillons de pastel du XVIIIe siècle, et puis des œuvres d'art, et puis un salon tout à fait modeste. Au mur, les membres de ma famille, en fait, les ancêtres du général de Gaulle. Donc une grande fenêtre qui donne sur le parc à l'arrière et nous allons pénétrer dans la pièce suivante et là on se rapproche du la pièce principale pour moi en tout cas pour ne pas parler de la pièce essentielle qui est juste après qui était celle du bureau de mon grand-père. Alors ici vous êtes dans sa bibliothèque avec une partie des livres qu'il a lus. Lorsqu'un inventaire de cette bibliothèque a été fait, il y a maintenant quelques années, par le professeur Larcan, il avait recensé un peu plus de 2200 livres. Il y a de tout. Il y a des livres qui lui ont été offerts, et il y a beaucoup de livres qu'il a achetés. Ce qui est frappant dans cette bibliothèque, c'est son extraordinaire diversité. Vous avez des livres d'histoire, bien sûr, mais la grande histoire, mais aussi la petite histoire. L'histoire d'une population, l'histoire d'une ville, l'histoire d'un village, et puis l'histoire d'une civilisation. Et c'est assez curieux de penser que cette diversité-là commence justement par la façon dont il avait de comprendre et de se forger la conscience historique qui est à la fois locale et universelle. Tout ça constitue un continuum dans l'organisation de la réflexion et la construction de la pensée. Et puis il n'y a pas que l'histoire, il y a aussi la littérature. Vous verrez, en scrutant les livres, vous avez la littérature, les littératures, la bonne littérature, la moins bonne littérature, parce qu'il y a des auteurs plus secondaires, et là aussi, cette espèce d'éclectisme, cette espèce de diversité est assez étonnante. Et enfin, autre contraste, vous avez bien sûr la France, et puis pas que la France. Il y a bien entendu des livres d'histoire du monde et des livres de littérature du monde. Et des livres de civilisation, entre guillemets, hors la civilisation occidentale. Quand j'étais jeune, moi, ce qui m'a frappé, c'est justement cette extraordinaire diversité de la culture du général. La culture qui était invraisemblable. Invraisemblable. Il était capable de citer des morceaux entiers de n'importe quelle pièce. Évidemment, le théâtre français, mais pas seulement, connaissait théâtre grec, théâtre latin. C'était étonnant, étonnant. Il était servi par une mémoire invraisemblable, hors du commun, qui lui permettait, et c'était une des caractéristiques de sa manière de réfléchir, de, comment vous dire, moi j'ai utilisé une expression dans mon livre qui est la coprésence des temps. Charles de Gaulle était en permanence en esprit dans le contemporain et dans le passé. Il était aussi bien avec Napoléon qu'avec Alexandre, avec Thucydide ou avec d'autres. Toutes ces vies-là, tous ces exemples-là participaient de sa manière de réfléchir. En cohabitation, tout ça formait un continuum qui était assez curieux dans sa manière d'établir, non pas des relations de cause à effet, non pas non plus de chercher à savoir qui étaient les exemples, mais dans sa manière de rechercher les correspondances. C'est une sorte de concordance des temps permanente. De concordance des temps permanente, voilà. Moi, j'ai appelé ça coprésence, mais concordance des temps, c'est aussi ça. Je retrouvais, d'ailleurs, je le cite, une expression de Régis Debray, qui n'a pas toujours été l'un de ses copains, que j'ai trouvé excellente, qui dit « Charles de Gaulle se mouvait dans la pensée sans y penser. C'était naturel. Il était ici, mais en même temps là-bas. Il était maintenant, mais en même temps bien avant. » D'ailleurs, vous racontez qu'en tant que jeune homme, dans les années 60, donc vous l'avez connu jusqu'à l'âge de 19 ans, il est mort quand vous aviez 19 ans, il y avait ces moments d'absence, pourrait-on dire, où vous sentiez qu'il s'absentait des discussions que vous pouvez avoir avec lui, et vous ne savez pas s'il était en train de réfléchir à la civilisation aztèque, dites-vous, ou à tout autre moment de l'histoire du monde. Qu'est-ce qui le préoccupait au moment où, d'une certaine façon, il s'absentait de la discussion commune ? Voilà. Il nous échappait complètement. Il partait sur ses nuages, sur ses horizons. C'est vrai que nous ne savions pas du tout lesquels, parce qu'il n'en parlait pas. Et moi, j'avais le sentiment, mais je pense que c'était le sentiment romantique d'un adolescent déjà avancé, qu'il lâchait bride, en fait, à son imagination, et qu'il partait sur d'autres rivages. J'ai toujours trouvé ça fascinant, parce que non seulement ça se passait ici, lorsque nous étions ensemble en famille, et que nous parlions, mais je sais que ça se passait aussi lorsqu'il était à l'Élysée. Lorsqu'il était à l'Élysée, président de la République, il avait aménagé dans son emploi du temps des zones où il ne fallait pas le déranger. Trois après-midi par semaine. Il avait ses plages de temps de réflexion, et qui consacrait, évidemment, à ses réflexions, mais personne ne savait, personne n'entrait dans son bureau, personne ne savait ce qu'il y faisait, et nous comprenions, parce que nous l'avions vu fonctionner, que c'était sa part de rêve qu'il laissait se débrider et qui lui permettait d'approfondir, de réfléchir à nouveau, peut-être de transgresser des horizons intellectuels qu'il fallait franchir, parce que c'était un rebelle tellement forcené qu'aucune frontière intellectuelle, quelle qu'elle soit, pour lui n'était une frontière. Alors, dans votre livre, sur un autre regard sur mon grand-père Charles de Gaulle, Yves de Gaulle, vous mentionnez des dialogues que vous avez avec lui. Une des questions qu'on se pose, c'est quand on est témoin d'un personnage important, c'est évidemment la conscience que l'on a que c'est ce dialogue que l'on peut avoir avec lui, c'est un dialogue qui appartient à l'histoire. Vous avez noté des choses dans ces discussions, parce qu'en fait, à certains moments, on a l'impression que c'est pris sur le vif. Vous rentriez dans votre chambre et vous notiez ce qu'il vous avait dit. Comment ça se passait ? Alors, absolument jamais. J'avais effectivement conscience de m'adresser à un personnage un peu particulier, mais avec lequel je n'entretenais aucune réserve et aucune gêne. Pour moi, c'était un grand-père à qui je pouvais tout demander, à qui je pouvais poser toutes les questions que je voulais. Les réponses que j'ai reçues, au fond, elles se sont imprimées dans ma mémoire telle que je les ai laissées de côté pendant très très longtemps, avant de me dire, il faudra quand même un jour que je raconte mon De Gaulle à moi. C'est comme ça que vous vous souvenez du dialogue que vous avez avec lui à propos des généraux putschistes d'Algérie, alors que vous êtes quand même très jeune homme. Tout à fait, je m'en souviens très bien, je peux même vous dire où ça se passait, ici précisément. C'est-à-dire ? Où il était assis et où moi j'étais debout ici, lui était assis dans ce fauteuil qui était plus tourné vers le centre de la pièce. Il était assis là et j'étais en face de lui et c'est là que je lui ai demandé s'il allait gracier le général Jouot. Et il vous a répondu ? Il m'a répondu, je ne te répondrai pas parce que c'est une affaire entre ma conscience et moi. Quand j'y pense, c'est encore là, hein, comme si c'était hier. Je ne perdais rien non seulement de ses mots, mais surtout de sa gestuelle, de sa manière de regarder. Et j'ai senti sur le moment, ou j'ai cru sentir sur le moment, le sens de la décision qu'il allait prendre. Voilà. Mais je le reconnais. Je ne me suis pas trompé. J'ai l'impression que ça n'est pas une reconstruction a posteriori de ma part, parce que c'est un sentiment que j'ai éprouvé immédiatement au moment où il a prononcé ces phrases en le regardant. Je l'ai regardé et je me suis dit là. J'ai noté mon impression. Je ne me suis pas dit là à ce moment-là, c'est ça qui va se passer. Mais je me souviens de l'impression que j'ai ressentie. La décision, ce sera celle-là. Et donc, effectivement, il a été gracié, en l'occurrence, Jouot. D'autres points de dialogue que vous notez dans votre livre, Yves de Gaulle, en particulier à propos de cette bibliothèque au centre de laquelle nous nous trouvons en ce moment. Vous vous souvenez qu'il faisait du désherbage, comme on dit dans les termes de bibliothécaire, et ce désherbage passait par le choix des livres dont il allait se séparer une fois qu'il n'avait plus la place de les garder tous, ici même à la Boisserie, en particulier les mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar. Et en fait, nous étions devant cette partie-là de la bibliothèque. Bah, nous allons nous y rendre, d'ailleurs, approchons-nous. Nous étions de ce côté de la bibliothèque et mon père était en train de faire, comme vous dites, du désherbage et prenait les ouvrages les uns à la suite des autres en demandant à mon grand-père... Et ça, qu'est-ce qu'on en fait ? On le garde ou on ne le garde pas ? Et on est tombé sur le livre de Marguerite Yourcenar, Les mémoires d'Adrien, que mon grand-père, donc, évidemment, avait lu et surtout aimé. Et sa réponse a été « J'aime Marguerite Yourcenar, j'aime son style, j'aime sa manière précise d'écrire, le ciselage de sa réflexion, le rythme de sa pensée, le côté ternaire d'une rythmique » qui est un peu la mienne, et qui, en plus de ça, parle d'un personnage, l'empereur Adrien, dont j'ai aimé aussi le stoïcisme, la réserve, la mesure dans l'exercice de l'autorité, qui était l'autorité impériale, de l'autorité, enfin, l'exercice du gouvernement. Et moi, je me suis souvenu de ça, je me suis précipité immédiatement après sur le livre de Marguerite Yourcenar que je n'avais pas lu, Et je ne dis pas que j'ai ressenti la même chose, hein, pas avec la même intensité, mais c'est un livre magnifique, en particulier avec le parti pris qui était le sien, qui était d'essayer un exercice exceptionnellement compliqué, consistant à se mettre dans la pensée de quelqu'un et à raconter son histoire avec son angle de vue, avec son parti pris, mais en même temps l'extraordinaire compréhension des choses et des hommes. J'ai trouvé cet exercice fascinant, et en lisant les mémoires d'Adrien, c'est vrai que j'ai aussi approché un peu plus mon grand-père, en tout cas dans sa manière de non seulement d'écrire, parce qu'il y a du De Gaulle dans Ursenard ou du Ursenard dans De Gaulle, je ne sais pas, mais aussi dans sa manière de réfléchir. Alors dans cette pièce, on a de nombreux portraits de dirigeants, Haïlé Séassier, Chiang Kai-shek, Franklin Roosevelt, le Shah d'Iran derrière nous, Churchill, qui surmonte la bibliothèque elle-même. Et puis dans cette bibliothèque, des livres reliés, qui sont des livres qu'il avait en permanence auprès de lui. Pour certains d'entre eux, devaient être assez importants pour pouvoir les lire et les relire. On a en particulier les Mémoires d'Outre-Tombe, qui comptent énormément. Chateaubriand compte énormément dans la formation intellectuelle de votre grand-père. Alors Chateaubriand, oui, compte énormément dans sa formation intellectuelle. C'est un écrivain qui a contribué à le former, mais qui aussi l'a accompagné tout au long de son existence. C'est un ouvrage qu'il relisait une fois qu'il a quitté le pouvoir en avril 69, au moment où il a commencé l'écriture des Mémoires d'Espoir, et qu'il relisait à ce moment-là. Et l'exemplaire que vous avez sous les yeux n'était pas son exemplaire de table, si j'ose dire, qui était un exemplaire fatigué de lecture, comme je le dis, parce que c'était vraiment celui-là qui était lu, relu et travaillé. Alors Chateaubriand, l'enchanteur, c'était quelqu'un qu'il aimait beaucoup et qui le préoccupait d'une certaine manière, parce que quand il écrivait ses Mémoires d'Espoir, il me l'avait dit à l'époque, après m'avoir lu le premier chapitre des Mémoires d'Espoir, il m'avait dit, mais tu sais, tout ça, ça ne vaut pas, c'est pas du Chateaubriand. Alors, je lui disais, mais grand-père, pourquoi est-ce que vous voulez que ce soit du Chateaubriand? Vous n'avez pas eu la même existence. Vous avez fait l'histoire et vous l'avez racontée. Lui, il a très peu fait l'histoire et il a inventé l'histoire, et en particulier, d'ailleurs, souvent celle des autres, même s'il essayait de se mettre en scène à certains moments. Et en cherchant un peu, on marchait dans le jardin, en discutant de tout ça avec lui, j'ai compris que ce qui le préoccupait surtout, c'était deux choses. La première, c'était de se dire, j'ai vieilli, je ne suis pas au niveau des Mémoires de guerre. Et la deuxième, c'était, qui est d'ailleurs corollaire du premier, c'était, j'ai vieilli, est-ce que j'ai encore la maîtrise de cet exercice de littérature qui me permet de me dire, je ne suis pas évidemment François René de Chateaubriand, mais bon, je tiens quand même la distance, je suis encore à niveau. Et c'était ce travail-là, au fond, cette angoisse-là, c'était plus l'angoisse de la vieillesse que de l'angoisse de la qualité de la littérature. Alors, dans cette bibliothèque devant nous, on trouve à la fois du Montaigne, les essais, bien évidemment, le Croc-Blanc de Jack London, dans une édition pour jeunesse, le Lucrèce, la Denatoireum, Virgile, évidemment, pour l'Énéide ou les bucoliques et les géorgiques, tout cela relié. Toute l'œuvre ou une grande partie de l'œuvre de Barrès, on y trouve évidemment des compagnons du général de Gaulle comme Maurice Herzog avec son Annapurna premier 8000, et puis toute une collection de grandes littératures françaises en particulier. On y trouve les chroniques de Froissart, Tristan et Iseut et bien d'autres sujets comme celui-ci. C'est une littérature très variée, et quand je cite Lucrèce, Virgile et ses auteurs romains en particulier, il y a une dilection particulière, expliquez-vous, de votre grand-père pour les œuvres du classicisme romain, mais aussi du classicisme grec. Du classicisme grec et plus généralement de l'histoire de la Grèce. Pourquoi ? Parce que j'ai retrouvé dans le grenier de cette maison ici à Colombey deux ouvrages, les deux premiers tomes de l'Histoire universelle qui avaient été écrites sous la direction de Victor Duruy à la fin du 19e. Le ministre de l'Éducation du Second Empire. Bien connu, qui faisait partie de ces lectures lorsqu'il était en captivité en Allemagne à partir de la fin de l'année 1916. Et je sais que c'était ces deux bouquins à lui, que c'était ces deux livres, parce que il a laissé quelques rares annotations, mais il a encadré aussi beaucoup de passages et souligné beaucoup d'autres, en particulier dans l'histoire de la Grèce, très peu dans l'histoire de Rome. Et dans l'histoire de la Grèce, j'ai compris, en retrouvant ça il y a très peu de temps, c'était il y a 2 ans, qu'il avait été profondément imprégné par l'histoire de ce peuple, par l'histoire d'un peuple qui a été poussé à la fois par sa conception du monde, le siècle de Périclès, et en même temps sa vision de la liberté, qui a fait que le grec était quelqu'un qui à la fois a à peu près tout inventé dans, au fond, l'histoire, les bases de l'histoire de nos sciences, à peu près tout découvert, parce que Alexandre est allé jusque sur le fleuve Indus et la Bactriane, et au fond, tout organisé au niveau politique, en créant ce qui était les fondements de la République, non pas telle que nous la connaissons aujourd'hui, parce qu'elle était quand même un petit peu différente, mais en tout cas, les fondements de la République. Je passe, bien sûr, sur la création de la philosophie. Mais pas que, pas que. Mais ça voulait dire aussi qu'il utilisait ses références romaines ou grecques dans sa propre vision du monde, c'est-à-dire qu'elle lui servait de guide dans des décisions qu'il pouvait prendre, d'après ce que vous avez cru comprendre de votre grand-père. Je pense sincèrement qu'il recherchait effectivement les correspondances. Je donne un exemple qui est d'ailleurs dans le livre, c'est que quand il a compris que je ne sais plus quel général grec a créé cette espèce de phalange militaire, à la fois équipée assez solidement pour pouvoir enfoncer l'adversaire, mais pas trop, pour pouvoir conserver une capacité de mouvement incapable de contourner et d'aller vite, ce sont des éléments de correspondance qui, pour moi, correspondent mutatis mutandis à ce que a pu être un régiment blindé ou à ce qu'aurait dû être un régiment blindé pour la France en 1939. Alors, il y a la lecture des classiques romains et grecs, il y a la lecture de Sun Tzu, par exemple, aussi, grand penseur de la stratégie chinoise en particulier. On a sous les yeux, quelque part, je l'ai vu, il est ici, de la guerre de Clausewitz, effectivement, donc une pensée aussi qui est structurée par la lecture des grands classiques de la pensée militaire. Des grands classiques de la pensée militaire, bien sûr. Ils sont là, mais ils ne sont pas tous là. Je regrette, moi, de ne pas y avoir vu. D'ailleurs, je ne lui avais pas demandé à l'époque, parce que je ne les connaissais pas. Mais, par exemple, où sont les grands classiques militaires comme Mahan, l'Américain, les grands penseurs, au fond, de la géostratégie? Il les a lus parce que ça faisait partie de l'éducation militaire de l'époque, même si certains de ses ouvrages sont parus après sa formation à Saint-Cyr et sa formation à l'école de guerre, mais il les avait lus. Et je regrette de ne pas y voir ici la géostratégie, parce que c'était vraiment sa vision à lui d'aborder les sujets en général et pas seulement les sujets militaires. Par exemple, quand vous avez la curiosité de relire ses conférences de presse, et qu'il aborde un certain nombre de sujets, d'ailleurs quels qu'ils soient, que ce soit l'Allemagne, que ce soit le Québec, que ce soit n'importe quoi, tout commence toujours par une compréhension historique de la situation qui remonte à très longtemps dans le passé et qui expose quelle est la situation géostratégique du sujet telle qu'elle est aujourd'hui, et donc les conclusions qu'il faut en tirer pour peser et poser la situation de la France. Alors, une bibliothèque, Yves de Gaulle, c'est souvent le reflet d'une personnalité intellectuelle dans son classement. Est-ce que vous avez tenté de comprendre quel était le classement de la bibliothèque de votre grand-père? Parce que vous citez dans votre livre la déclaration, ce qu'il aurait déclaré à son aide de camp, c'était en 1942, je ne sais pas si c'était Geoffroy de Courcelles qui était son aide de camp à ce moment-là, à Londres, en l'occurrence, je pense que c'était lui. Il aurait déclaré: le plus beau métier, voyez-vous, c'est d'être bibliothécaire. Je ne veux pas parler d'une grande bibliothèque, mais d'un poste de petit bibliothécaire dans une petite ville de province, en Bretagne, une bibliothèque municipale. Quel calme, quelle belle vie. Et puis brusquement, Quand arrive la soixantaine, on se met à écrire une monographie de 80 pages. Madame de Sévigné est-elle passée par Pontivy ? Alors on devient frénétique, disait le général. On envoie des lettres cinglantes aux chanoines qui chicanent sur une date. On persécute tout le monde, on n'arrête pas. Oui, croyez-moi, bibliothécaire, c'est le plus beau des métiers, aurait-il dit donc à son aide de camp en 1942 à Londres, alors qu'il y a eu bien d'autres choses comme sujet de conversation et comme sujet de pensée à ce moment-là. Est-ce que vous avez compris le classement de cette bibliothèque ou est-ce qu'elle est incompréhensible au bout du compte ? Non, je pense que le classement de cette bibliothèque est totalement incompréhensible. Il est totalement aléatoire. Si vous regardez et scrutez certains rayons, par exemple de l'autre côté, vous verrez qu'il y a des associations assez étranges. Mein Kampf se trouve à côté du Rosaire, et des choses de ce genre qui sont très curieuses, et que ceci est le fruit d'un système de classement de stock entrée-sortie, c'est un système comptable en fait, hein, et que tout ça c'est classé, c'est organisé, c'est posé même simplement, pas classé, organisé, c'est simplement posé de façon aléatoire, en essayant évidemment de regrouper ce qui représentait pour un auteur un ensemble cohérent, mais que sinon la disposition ne participe pas d'une organisation. C'est pas la bibliothèque d'un bibliothécaire. C'est pas la bibliothèque de quelqu'un qui se dit j'ai ces livres-là, même si je ne les lis pas, j'ai l'impression que leurs présences sont constitutives de mon être. Lui, les livres, c'était des choses qu'il s'appropriait, qu'il intégrait complètement, qu'il lisait, qu'il quelquefois même il se les faisait le sien à tel point que une ou deux lectures d'un certain nombre de pages se conservaient dans sa mémoire telle que. Et on n'est pas du tout dans un univers organisé, vous voyez. Hein, c'est la bibliothèque, les livres étaient pour Charles de Gaulle un instrument de travail et aussi, parce que c'était un instrument de travail, un instrument de pensée. Oui, alors il y a une évocation qu'on n'a pas faite encore avec vous, Yves de Gaulle. On a parlé de son amour des classiques, pourrait-on dire. Mais c'est cette grande littérature du XIXe siècle dont vous dites dans votre livre qu'il était plein de cette littérature des grands classiques du XIXe siècle, que ça soit Zola, dont il appréciait la peinture de l'ordure, disait-il, la façon dont il était le meilleur peintre de l'ordure, mais aussi, effectivement, Balzac et Stendhal, évidemment, tous les grands auteurs du XIXe siècle français. Effectivement, il y avait quelque chose dans cette partie de la littérature qui, je crois, le fascinait. C'était pas tant qu'il s'agissait d'auteurs français, mais c'était parce qu'il y a eu une époque de la littérature, le 19e siècle, qui n'était pas d'ailleurs que français, encore une fois, où des auteurs, des écrivains, n'ont pas hésité, ont eu le courage, ont eu même la capacité intellectuelle à appréhender un monde d'une certaine manière en ayant une vision globale, totalisante. Souvent à travers l'histoire d'une famille, quelquefois à travers l'histoire d'événements, en entrecroisant et l'un et l'autre. Et il a toujours été, je crois, sensible au fait que ces écrivains-là, qui avaient osé créer des mondes en les représentant, que ça représentait quelque chose d'assez remarquable et d'assez unique. Il était peut-être dans ses goûts littéraires davantage du côté de ses créateurs que des écrivains plus minimalistes ou ethnocentrés ou introvertis que d'autres. Oui, même si je mets de côté Proust, oui, qui lui est à la fois et l'un et l'autre, et créateur d'univers et écrivain centré sur lui-même. Même si il semble avoir apprécié le premier ouvrage de Jean-Gustave-Marie oui, Leclésio, le procès-verbal, par exemple. Parce qu'il avait une espèce d'instinct assez curieux à renifler le talent. Alors, il s'est dit, tiens, là, il y a quelque chose. Et ça, c'est frappant. Et il le lui a dit, enfin, vous le savez, je le cite, enfin, il y a des lettres à Leclésio qui sont marquantes, hein, qui sont frappantes. Évidemment, il y avait aussi cette dimension très grande chez De Gaulle, telle qu'il est décrit par ceux qui l'ont connu, de la fidélité. Et en particulier, la fidélité à ceux qu'il avait suivis, ceux qu'il avait soutenus. Mauriac, par exemple. Alors, Mauriac, par exemple, en insistant sur une caractéristique quand même, c'est que fidélité à l'homme Mauriac, oui, bien sûr, mais fidélité surtout à l'écrivain. Oui. Alors ceci veut dire quoi ? Ceci veut dire aussi que c'est l'écrivain qui comptait. même si évidemment l'écrivain, en l'occurrence Mauriac, a eu avec lui après un rôle public utile pour le général de Gaulle. Mais je cite l'exemple complètement contraire, Paul Morand. Paul Morand, qui a été un ennemi déclaré du général de Gaulle, n'empêchait absolument pas que le général de Gaulle ait pour Paul Morand une admiration évidente en termes d'écrivain. De même qu'il avait une admiration évidente pour des écrivains comme Brasillach et Drieu-La Rochelle. Mais pas Céline. Vous ne citez pas Céline. Je ne cite pas Céline parce que je n'ai pas pu parler de Céline avec lui. Je n'ai pas entendu parler de Céline avec lui. On voit du Viraudoux ici, par exemple, qui est un auteur, effectivement, qui a sûrement accompagné les lectures du général de Gaulle. Beaucoup d'autres livres, comme par exemple les œuvres complètes d'Elifort, qui était un personnage important. Absolument, de tous ceux qui analysaient l'art dans les années 60, par exemple. Oui, il y avait sur ces sujets, pour Charles de Gaulle, deux références. Enfin, en particulier deux références. Elifort, qui a quand même été un exceptionnel écrivain pour raconter l'histoire de l'art, et de l'autre côté, dans un genre différent, Malraux, avec la statuaire du Moyen-Âge, avec les voies du silence. Alors, je reconnais qu'il était pour Charles de Gaulle plus compliqué de comprendre Malraux que de comprendre Elifort, et moins elliptique. Mais il avait deux guides sur lesquels il s'appuyait pour ça. Vous avez d'ailleurs juste à côté, c'est une curiosité, l'Encyclopédia Universalis. Ça n'a rien d'extraordinaire, mais simplement pour dire que l'Encyclopédia Universalis lui servait à préparer le travail de ses discours. C'est vrai ? Il m'est arrivé, sur sa demande, moi, de chercher telle ou telle référence dans l'Encyclopédia Universalis pour qu'il puisse écrire une partie d'un discours en préparation, en sachant très bien que après, parce que l'Encyclopédia Universalis, par définition, c'est la photographie à un instant donné de l'histoire de la culture et que les choses évoluent, en particulier au niveau économique, qu'après, donc, il allait le vérifier par ses collaborateurs à l'Élysée. Mais il m'est arrivé souvent de lui préparer des morceaux, de lui chercher des petites références. Je me souviens en particulier l'avoir fait lorsqu'il est parti faire un voyage officiel en Roumanie, à un moment, voyage officiel en Roumanie, à un moment où il se passait des choses en France. C'était en 68. C'était en 1968. Alors, on va avancer avec vous dans cette bibliothèque pour rejoindre la pièce suivante. On passe à côté de la table où est décédé le général de Gaulle en faisant une réussite en 1970. C'était le 9 novembre. Et là, on est maintenant entrer dans le Saint des Saints, pourrait-on dire, c'est-à-dire le bureau du général, celui sur lequel vous dites qu'il gardait en particulier les mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand toujours auprès de lui. Alors, les mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand toujours auprès de lui, elles sont là, vous voyez. Elles sont ici. Et ça, c'était celle qu'il a notée, qu'il usait. Qu'il usait, qui voyait d'ailleurs le premier volume est dans un état assez mauvais. Et donc, on a également au-dessus le Jules Jeannet, son journal politique, celui qui a dirigé le Sénat, donc en particulier de la Troisième République, et puis François Mauriac, le De Gaulle, et l'esthétique de la pensée, la Grèce. Encore la Grèce, toujours présente. Évidemment, les mémoires de Winston Churchill. Publié chez Plon, qui a eu, lui, le prix Nobel de littérature, ce que n'a pas eu mon grand-père. On voit MacArthur un peu plus haut, les œuvres de MacArthur, ou encore plus bas quand on descend, parce que c'est un peu classé, tout un tas de livres autour de la France libre, donc les mémoires d'un agent secret de la France libre, les Français libres et leurs emblèmes, et puis les mémoires évidemment du colonel Rémy, du colonel Passy. On voit par exemple les mémoires du général de l'Armina, qui était aussi un de ceux qui ont permis la libération de la France, et en particulier de la poche de Royan. Et si on se tourne vers cette autre bibliothèque qui est ici, qui d'ailleurs sert de bibliothèque, mais aussi de conservatoire, pourrait-on dire, de certaines armes. Certaines épées, oui, effectivement, certains pistolets anciens. Oui, tout à fait. Là, on se trouve face, par exemple, au magnifique dictionnaire des sciences qui doit dater du XVIIIe siècle, tel qu'on le voit ici, avec les planches qui vont avec. Il y a aussi, dans le goût de votre grand-père, Yves de Gaulle, pas simplement le goût pour la littérature du XIXe siècle, mais également une sorte de goût un peu encyclopédique, pourrait-on dire, que vous décrivez dans votre propre livre. Effectivement, je considère, je pense que je ne me trompe pas, que en même temps qu'il aimait beaucoup la littérature romanesque globalisante, hein, créatrice d'univers, il aimait aussi beaucoup savoir et comprendre et reconnaître l'évolution de la technique. Il accordait d'ailleurs dans l'histoire de l'humanité un élément primordial, presque premier, au progrès technique lorsqu'il se produisait, en considérant que c'était lui qui faisait avancer les civilisations, et que... comme Chateaubriand, que au fond, dans l'histoire des hommes, ce n'était pas tellement les idées qui ne changeaient pas. Ce qui ne changeait pas dans l'histoire des hommes, c'était les passions. Mais qu'en revanche, les idées, elles évoluent, et que ce sont ces idées-là qui permettent à faire en sorte que ce ne soit pas en permanence l'éternel retour. Qu'il y ait quand même une pente sur l'abscisse du progrès des hommes, et une pente positive, enfin espérons positive. En me souvenant aussi qu'il y a quelque chose qui l'a énormément frappé dans l'histoire du XXe siècle, en dehors des horreurs de la Deuxième Guerre mondiale, c'était l'invention de la bombe atomique et de tout ce qui s'en est ensuivi après dans le rapport des peuples entre eux. Et que le fait que pour l'homme d'avoir acquis la possibilité de s'autodétruire était quelque chose de très important dans l'histoire qui se posait pour la première fois, et que c'était lourd de conséquences pour la suite. Alors il y a la science, le dictionnaire des sciences qui est derrière nous, avec vous, Yves de Gaulle, mais il y a également la science-fiction, c'est plus étonnant. Vous aviez des discussions sur la science-fiction avec votre grand-père. Absolument. Alors il y avait la science-fiction, entre guillemets, enfin la science-fiction telle qu'on l'appelait à l'époque, que lui connaissait. C'est évidemment les ouvrages classiques qui vendent de le futur... Pou et d'autres. Et moi, je lui parlais d'une science-fiction qui était la science-fiction de ma jeunesse, moi qui étais d'origine anglo-saxonne, avec effectivement Alfred Van Vogt, Isaac Asimov et bien d'autres, parce que la science-fiction à l'époque était exclusivement anglo-saxonne. Et nous parlions de ça, et c'est amusant parce que au fond, il y a une chose qui le passionnait dans cette affaire, c'est se disait au fond, la science-fiction... Ce qui m'intéresse, moi, c'est l'exploration de l'univers des possibles. Qu'est-ce qui est rationnel ? Parce que je suis un être rationnel. Et en étant rationnel, qu'est-ce qui est possible ? Donc ce n'était pas l'héroïque fantasy, l'irrationnel qui devient réel. Non, non, c'est le rationnel qui est possible, qui sert de projection. Qu'est-ce qui peut arriver ? Que peut-on imaginer ? Comment peut-on décrire ce que pourra être éventuellement le futur ? Et c'est cette espèce d'univers d'occurrence possible qui l'intéressait énormément. J'ai parlé à un moment donné d'un livre d'Asimov qui s'appelle « Face au feu du soleil », qui est l'histoire, qui raconte brièvement l'histoire d'un meurtre qui est commis sur une planète peuplée de très très peu de monde, parce que l'humanité qui s'était répandue dans les étoiles, en fait, s'était organisée de telle façon que... les planètes étaient réparties entre très très très peu de gens qui vivaient en autarcie absolue, qui ne se voyaient pas les uns les autres et qui ne communiquaient entre eux que par des moyens, entre guillemets, électroniques. Assez curieux d'ailleurs comme projection. Un crime survient. Alors j'étais en train de lire ce livre, il me demande « mais qu'est-ce que tu lis ?» Je lui raconte ce que je viens de vous dire. Bon, l'histoire de la résolution du crime, il s'en fichait complètement. En revanche... la projection faite par un écrivain d'une description possible de la société, ça l'intéressait. Et il a embrayé tout de suite sur un autre aspect de la question qui m'a ramené d'ailleurs, qui me ramenait à la réalité, qui était de dire oui, mais la ville, est-ce que on explore suffisamment le sujet consistant à dire la solitude, bien entendu, mais parle-t-on assez de la solitude des villes / versus désertification de la campagne aussi, Et cette solitude d'humanité qui va vivre de plus en plus, complètement versée sur elle-même à travers des mégapoles gigantesques, comment est-ce que l'humanité va s'organiser pour vivre avec elle-même à ce moment-là. Et là, il vous cite Dos Passos. Alors, il me cite, est-ce que tu as lu des grands romans de la littérature sur les villes? Alors, non, je n'avais pas lu à l'époque. Alors, il me cite effectivement Manhattan Transfer de John Passos. Très bien. Il m'en cite un autre qui m'a stupéfié parce que je ne savais pas qu'il pouvait connaître l'écrivain que je ne connaissais pas, Bieli Petersburg. Évidemment, James Joyce, hein, bien sûr. Ulysse. Oui. Mais Petersburg de Bieli. Qui a lu Petersburg de Bieli? Vous savez que c'est un grand roman parce que moi aussi, je me suis précipité dessus après. Il était paru très très peu de temps avant, traduit en français. Hein. C'est un livre extraordinaire d'ailleurs à lire. Et je me suis rendu compte après, mais comment cet homme fait-il? D'abord pour réfléchir à l'humanité vivant de manière concentrationnaire dans des villes gigantesques, ça c'est un sujet, mais comment fait-il pour s'intéresser à des écrivains comme ça? Et la géographie dans le coup, parce que tout compte fait, vous nous avez dit que c'était un homme qui était pétri d'histoire, ça on l'avait compris, et il l'avait lui-même exposé aux Français quand il parlait justement du passé, mais la géographie, il avait un intérêt pour la géographie, et au-delà de Vidal Lablache, de Lablache et de cette géographie-là. Vous savez, c'était exactement ce que, dans son éducation et à son époque, on pensait du sujet. Vous vous rappelez, même quand nous, quand nous étions jeunes, on parlait d'histoire géo. Mmh. Au fond, les deux étaient en intrication complète. On ne pouvait pas faire d'histoire sans faire de géographie réciproquement. Et au fond, c'est vrai. C'est vrai, regardez l'histoire de la France. Que se serait-il passé si les frontières est de la France avaient été infranchissables et naturelles? Évidemment pas ce qui est advenu. Et tout était du même ordre. Qu'aurait été la politique de l'Angleterre si elle n'avait pas été une île? Etc., etc. Donc l'histoire et la géographie dans son esprit étaient tellement liées qu'on ne pouvait pas faire le départ de l'une et de l'autre. Et je citais tout à l'heure le cas de la géostratégie, où on est complètement dans cette famille de pensées. Alors, il y a un dernier point sur lequel j'aurais voulu insister avec vous. Yves de Gaulle, après avoir évoqué cette figure de votre grand-père, c'est ce qu'il en a tiré d'une certaine façon, d'après ce que vous avez pu avoir comme conversation avec lui, en particulier de leçons de vie. Vous citez une phrase que j'ai trouvée extrêmement intéressante, dont vous vous souvenez, « Je crois à l'inattendu, disait-il, à la survenance de ce qui paraît a priori improbable. Après tout, en 40, la France a bien failli disparaître, disait-il. » Alors, cette leçon, c'est presque une leçon de l'histoire, d'une certaine façon, de ses lectures. Cette croyance qu'un homme dont on pensait qu'il avait gouverné, d'une certaine façon, et qu'il décidait, pouvait croire que l'inattendu avait un rôle dans l'histoire. Je crois qu'il y a, en amont de ça, un questionnement, ça m'a beaucoup frappé en l'écoutant en fait, consistant à se dire, l'ordre classique des probabilités n'est pas l'ordre qui s'impose dans la réalité. Et que se produisent des événements, c'est d'ailleurs le rôle des grands hommes dans l'histoire lorsqu'ils arrivent à infléchir le cours des choses, mais c'est aussi le propre des événements eux-mêmes qui font que, pour des raisons qu'on ne maîtrise pas, se produit de temps en temps des fractures qu'on n'imaginait pas, qu'on n'attendait pas, et qui allaient provoquer des bouleversements significatifs. Et que ce qui est apparemment logique est profondément faux, profondément irréel. L'appel du 18 juin, c'est exactement ça. La défaite de la France est logique. Elle s'est produite, elle est logique, elle est inéluctable, et on ne voit pas comment faire pour inverser le cours des choses. Et puis il y a un individu qui s'appelle Charles de Gaulle et qui dit « ça n'est pas vrai », et qui le dit tout de suite, dès le 18 juin, qui le dit « non, ne croyez pas ça ». En fait, le cours des choses à moyen terme, c'est la réalité n'est pas celle-là. On inverse le cours des choses. C'est l'inattendu qui va se produire, c'est l'illogique qui va se produire, à condition, bien entendu, de le prendre à bras-le-corps. C'est d'ailleurs ce qui va le saisir à la fin de sa vie, d'une certaine façon, avec mai 68, en l'occurrence. Cet inattendu, dans une France qui est plutôt prospère, c'est le surgissement de mai 68, et c'est le grand-père vous disant à vous et votre frère, finalement, les jeunes, que voulez-vous ? Alors, vous dites une France assez prospère, une France très prospère. Juste un mot, je vous rappelle à l'époque, il y avait des instituts de prévision américains qui disait qu'en l'an 2000, la France par habitant serait le pays le plus riche du monde si elle continuait sur cette trace-là. Passons. Alors, en mai 1968, effectivement, interviennent des événements que personne n'avait prédit. Personne. Bien entendu, certains disaient, en 1967, la France s'ennuie, il se passe rien, le plein emploi est installé, la paix est aux frontières, etc., etc. C'est vrai, mais en même temps, pour en avoir un peu parlé avec lui, Charles de Gaulle, le général de Gaulle, savait très bien qu'on ne tombait pas amoureux d'un taux de croissance, que ça ne suffisait pas à remplir le cœur et l'esprit d'une jeunesse qui avait beaucoup évolué. Il ne faut pas oublier qu'en 1958, en France, il y avait 125 000 étudiants et qu'il y en avait plus de 700 000 dix ans après. Et que cette jeunesse-là, elle avait une idée, un dessein, un désir, qui était celui de vivre plus. Il me l'avait demandé, qu'est-ce que vous voulez, au fond ? Oui, il dit vivre plus, vivre davantage. Ne pas rester sur les références, les dogmes et les enfermements de la génération qui a précédé la nôtre. Ce qui est, somme toute, assez simple, assez naturel, et qui se produit à chaque fois. Mais qui était peut-être difficile à comprendre. Alors, non, c'était pas ça qui était difficile à comprendre, je crois. Mais ça, c'est mon interprétation. Je crois que pour lui, ce qui était difficile à comprendre, parce qu'il était président de la République et créateur de République, c'est comment mettre en œuvre, comment intégrer dans la société et dans ses réformes quelque chose qui ressemble à la réalisation de ce désir-là. Comment on fait pour faire ça ? Comment on fait quand on est chef d'État pour faire en sorte que la jeunesse qui allait accéder aux responsabilités à un moment ou à un autre puisse vivre davantage ? Comment on fait ? Alors, il a tenté un ou deux trucs. Il a tenté la réforme de l'université qui n'a pas donné grand-chose. Avec Edgar Faure, l'intéressement des participations qui avait été déjà introduite avant, il a voulu la pousser un petit peu plus loin dans une réforme qui a été le référendum en échec du 27 avril 69, à la fois sur le Sénat et à la fois sur la région. J'en profite d'ailleurs pour dire qu'il ne s'agissait pas de la suppression du Sénat, mais la modification du mode d'élection et de sélection des sénateurs. Donc on n'était pas du tout dans ce qu'on lui a reproché après. Mais que bon, tout ça, ce sont des réformes institutionnelles qu'on comprend bien être dans la nature et dans les pouvoirs d'un président de la République, mais qui pour autant sont éloignées de ce que pouvait sentir et espérer la jeunesse dont je faisais partie. Oui, parce que pour quelqu'un dont vous dites que son slogan, ou du moins sa devise pouvait être « il faut être contagieusement libre », il vous a dit ça ? Oui, il m'a dit ça en haut du jardin là que nous avons traversé tout à l'heure. Tout à fait. Je m'y attendais pas. Ça fait aussi partie de ces occurrences tout d'un coup qui surgissent. Curieuse expression d'ailleurs. Dans la vie, il faut être contagieusement libre. Ça, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué, même bouleversé. Parce que comment vous dire, je sentais cette espèce de vibration hein, du rebelle permanent qui n'oublie jamais qu'il l'est et qui n'a qu'un seul ressort au fond, c'est ce qui s'appelle la liberté. Et évidemment, quand d'autres qui sont sous sa coupe demandent une certaine liberté, eh bien effectivement, ça le place dans une situation difficile, c'est ce qui s'est passé en 68. Ça le place dans une situation qu'il comprenait intérieurement totalement et profondément, mais à laquelle, je crois, il n'a pas su comment faire, qu'il n'a pas su combler par des réformes, entre guillemets, sociétales, comme on dirait aujourd'hui. Merci beaucoup, Yves de Gaulle, de nous avoir présenté à la fois votre livre « Un autre regard sur mon grand-père Charles de Gaulle » paru l'année dernière chez Plomb, mais également de nous avoir permis de visiter intimement, pourrait-on dire, le bureau du général de Gaulle à la Boisserie, à Colombey-les-Deux-Églises, ainsi que sa bibliothèque, pour mieux comprendre quels avaient été les ouvrages qu'il avait forgés intellectuellement. Merci. Merci. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Francesca Fossati et Aurélie Marsay. La prise de son était assurée à la Boisserie à Colombey-les-Deux-Églises par François Rivalan et la réalisation par Renaud Dalmar.